Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est en pas direct sur Hellbanger. Une nouvelle émission avec, ma foi, un gros renouvellement de la playlist avec une bonne dizaine de nouveautés. Qu'est-ce qu'on rentre? Eh bien, à l'international, on a les Misery Index, Malévolence, Al-Namroud, et du côté français, on a notamment Skaphos et. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Wars Nation. Voilà pour les nouveautés qu'on énumérera tout au long de l'émission. Bienvenue donc dans la séquence de ce soir, que l'on va tout de suite commencer. Un démarrage assez violent avec tout d'abord les Ricains de Misery Index, le groupe de Death, qui sort son nouvel effort studio Complete Control, une sortie Century Media. Misery Index, musicalement, on est sur le death à la frontière du brutal death et même du grind hardcore. Voilà, toujours un énorme rouleau compresseur qu'on prend avec plaisir dans les gencives. 7ème effort studio pour le groupe qui a vu le jour en 2001. 9 titres pour 30 minutes de son. Donc voilà, c'est frontal et radical. Et en doublette avec les Américains de Misery Index, les Suédois de Vatain, qui sortent également leur 7ème album studio. Bientôt 25 ans de carrière pour la formation suédoise. Voilà, un album qui pour moi n'est pas le meilleur. Il perd un petit peu en termes de crasse. Voilà, bon, même si globalement en termes de structure d'album, on est sur quelque chose de plutôt efficace. Misery Index, Vatain, on va s'écouter le morceau The Eaters and the Eaten, signé Misery Index. Leper's Grace, signé Vatain, extrait du nouvel effort studio The Agony and Ecstasy of Vatain. Et bienvenue dans l'émission. Yeah. pour la suite une doublette Riken avec tout d'abord Terror, le groupe de hardcore qui nous sort un nouveau très très bon album studio, le dixième en une vingtaine d'années de carrière. Pain into Power, on est sur un album, bah, ma foi, plutôt cool, à peine 20 minutes, donc voilà, on est sur une musique assez radicale, et comme j'ai pu l'annoncer la semaine dernière, on a des morceaux qui frisent presque avec des influences Power Violence. On est sur une première moitié d'album vraiment super cool, jusqu'au duo avec Corpse Grinder, et la fin de l'album, ma foi, est juste apocalyptique et putain d'efficace. Quasi que des tubes tout au long de cet album de Terror, c'était très très dur d'en extraire un titre plus qu'un autre. Voilà, et en doublette Wofat, groupe de Doomstoner qui fuzz et qui psychise à fond les ballons, également actif depuis le début des années 2000, 7e album studio, 6 ans après le précédent. Là par contre on est sur un album plutôt généreux, 75 minutes de musique, les morceaux vont de 7 à 16 minutes. On a quelques longueurs qui tendent presque à l'hypnotique et au planant. Voilà pour la présentation de nouvel effort de Wofat. One Thousand Lies, signé Terrors Unraveling, extrait du nouvel effort de Wofat intitulé The Singularity. C'est parti. Thank you. Doublette suivante, toujours à l'international, avec tout d'abord Undeath, pardon. Un autre groupe ricain, on en a pas mal dans la diff de ce début d'émission. Groupe ricain assez récent, qui date de 2008. On est sur une espèce de death assez tubesque, puisque c'est crunchy, groovy et bien catchy. Dans les influences, on peut citer les vieux Cannibals et autres Morbid Angel. Voilà, Undeath, c'est efficace et presque rafraîchissant malgré les inspirations assez old school. Leur nouvel effort studio s'intitule It's Time to Rise from the Grave, une sortie Prosthetic Records. Et en doublette, nous avons le groupe de black metal anti-coranique qui nous vient d'Arabie Saoudite, toujours un espèce de black entre guillemets folk. Voilà, la formation approche les 15 ans d'existence. On est entre l'album et l'EP, hein, 6 morceaux pour 26 minutes, ça passe plutôt vite, sachant qu'on est toujours sur du black ultra violent, renforcé par une batterie programmée bien brutale et toujours des vocaux bien rugueux sur l'ensemble. C'est très primitif, hein, ce que propose Al-Namroud est du coup plutôt radical. Le nouvel effort studio s'intitule Worship the Degenerate et on s'écoutera le morceau Guerillas, c'est parti. Oh, sorry. On approche déjà, bah, on est autour de la demi-heure de l'émission déjà. On va s'envoyer un titre du groupe venu du Canada, Hyperia. On est sur une espèce de speed trash revival un peu très inspiré par les scènes allemandes des années fin 80, début 90, telles que Holy Moses et plus récemment Crystal Viper, parce que c'est une vocaliste qui a un panel vocal extrêmement riche et puis bah globalement musicalement ça arrache bien comme il faut. Et voilà, le nouvel effort de Hyperia s'intitule Silhouettes of Horror, il est déjà disponible. Et en doublette, on aura la formation anglaise de hardcore, metalcore. C'est devenu assez difficile à qualifier Malévolence, hein, parce que d'un espèce de hardcore beatdown vraiment à la sauce anglaise, il y a un énorme apport de richesse musicale. J'avoue que parfois ils me perdent un peu dans leur compo où l'efficacité se mêle d'un peu trop près au gnangnan, et je trouve que le guitariste qui est une espèce de copie de Kirk Weinstein bah, prend de plus en plus de place, et à mon goût, trop de place dans les vocaux qui donnent une teinte un peu cool parfois et un peu chiante souvent. Du coup, pour l'instant, l'album peine à convaincre. Voilà, il nécessitera encore quelques écoutes, sachant que c'est une avant-première parce qu'il ne sortira que le 20 mai. Une sortie d'ailleurs chez Nuclear Blast depuis leur précédente EP. L'album s'intitule Malicious Intent. À noter que c'est une nouvelle pochette de Eliran Cantor. Et on s'écoutera le titre Still Waters Run Deep, qui retrace un peu la carrière et l'historique du groupe, hein, pour leur troisième album studio. Et Hyperia juste avant avec le morceau Operation Midnight. C'est parti. Et du coup, toujours dans le banger, toujours ces ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, c'est maintenant l'heure d'attaquer l'aspect française avec une diff 100% hexagonale pour la bonne demi-heure à venir. On commence tout d'abord avec Helios, le duo parisien-nantais, qui sort son cinquième album studio, Contre ma lumière. On est sur un black extrêmement riche, et encore, ce serait hyper réducteur de ne parler que de black, puisqu'on est sur un espèce de Black Death, Sympho, Prog, et comme je disais, ultra généreux en termes de sonorité et d'influence. Très généreux aussi en termes de durée, hein, 8 morceaux qui font globalement une petite dizaine de minutes. Et puis un vocaliste qui se lâche et qui nous fait une sacrée démonstration de tout son talent. On s'écoutera le morceau Charnier. Et en doublette avec Helios, une première nouveauté française, Death War. Là, on est un peu moins dans la douceur, hein, on est sur un power trio qui nous vient de Nancy, on est sur un bon crossover entre du death et du hardcore, après un EP en 2020, il nous livre là un deuxième EP, 4 titres pour 10 minutes, un mélange plutôt savamment équilibré des deux styles, violent et lourd, nihiliste dans l'approche, dans les influences, on peut notamment noter Nails et Black Breath, et puis ce bon côté OG, signé Terror. Death War, on s'écoutera le titre Total Teutonic Torso. Et ben c'est tout simplement le titre de l'EP Helios Death War pour attaquer l'aspect française, c'est parti. comme quoi un war peut en cacher un autre. Je me suis complètement mêlé les pinceaux au début de l'émission entre Death War et Worst Nation, parce que j'ai annoncé Worst Nation comme étant une des nouveautés françaises de ce soir, alors que c'était Death War. Voilà. Ça ne nous empêche pas tout de suite maintenant de s'écouter un titre de Worst Nation, le groupe de grindcore qui nous vient de Bezac. Ils sortent leur nouvel effort studio à la fois chez Bones Brigade et Lixiviat Records. Il s'intitule Dearth. On s'écoutera le titre d'ailleurs Craving of Dearth. Et ensuite, le groupe français le plus loin de la métropole à l'heure actuelle qu'on a pu vous diffuser, Tejoki, groupe de tribal black metal assez guerrier, bien efficace, qui nous vient de Polynésie française. Ils sortent là leur premier album studio. C'est super cool musicalement et une énorme richesse textuelle puisque c'est chanté en tuamotoan, voilà une langue polynésienne locale. Donc voilà, c'est guerrier, c'est épique et c'est super appréciable à s'écouter. Teruki, le premier album studio s'intitule Marako Teruki et on s'en écoutera le morceau Tekero Roa. Was Nation Teruki, c'est parti.